Aujourd'hui, c'est le service dans la maison de Dieu. La maison de Dieu étant l'Église, corps de Christ. Et c'est vrai que le passage se trouve dans... fait référence à l'ancienne alliance, mais comme Christian le disait lors de l'introduction, nous sommes dans la nouvelle alliance et on aura une application concrète dans la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes. Une mise en contexte rapide pour mettre la table. On voit Dieu, ici c'est Dieu qui a l'œuvre. C'est Dieu qui, Éphésiens le dit, selon le conseil de sa volonté, c'est Dieu qui fait sortir son peuple d'Égypte. C'est lui qui délivre ce peuple. Et dans le désert dans lequel ils sont, c'est de lui-même qui décide d'organiser son peuple, de structurer son peuple. Et pour cela, il ordonne à Moïse et à Aaron de dénombrer les fils d'Israël, donc premièrement les 11 tribus. Ensuite, il donne des instructions sur l'ordre des tribus pour les campements, donc comment est-ce qu'ils doivent se répartir. Ensuite, il ordonne le dénombrement de la tribu de Lévi. Et enfin, il donne les fonctions, ou si vous voulez, tâches ou services des Lévites dans le service du tabernacle ou de la tente d'assignation. Et la semaine dernière, on a vu avec Philippe la fonction des fils de Kehath qui s'occupaient essentiellement, si on peut le résumer ainsi, des éléments du lieu très saint. Et je tiens à rappeler que Moïse et Aaron sont de cette... Non, Aaron et ses fils sont de la famille de Kehath. Donc, les personnes de la famille de Kehath, ce sont telles qui sont exposées aux choses saintes. Aujourd'hui, on va voir les deux autres grandes familles, parce qu'on parle de dénombrement des fils de Lévi. Lévi a eu 3 fils, Gershon, Kehath et Merari. La semaine dernière, on a eu Gershon et Kehath. Cette semaine, aujourd'hui, on verra Gershon et Merari. Et je vous invite à prendre vos Bibles dans Nombre 4. À partir du verset 21 au verset 23. 33. 21 à 33. Est-ce que vous y êtes? OK. Donc, je lis la parole du Seigneur. L'Éternel parla à Moïse et dit: compte aussi les fils de Gershon, selon les maisons et leurs pères, selon leur famille. Tu feras le dénombrement depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, de tous ceux qui sont propres à exercer quelque fonction dans la tente d'assignation. Voici les fonctions des familles des Gershonites, le service qu'ils devront faire et ce qu'ils devront porter. Ils porteront les tapis du tabernacle et de la tente d'assignation, sa couverture et la couverture de peau de dauphin qui se met par-dessus, le rideau qui est à l'entrée de la tente d'assignation, les toiles du parvis et le rideau de l'entrée de la porte du parvis, tout autour du tabernacle et de l'autel, leurs cordages et tous les ustensiles qui en dépendent, et ils feront tout le service qui s'y rapporte. Dans leur fonction, les fils des Gershonites seront sous les ordres d'Aaron et de ses fils, pour tout ce qu'ils porteront et pour tout le service qu'ils devront faire. Vous remettrez à leurs soins tout ce qu'ils ont apporté. Telles sont les fonctions des familles des fils des Guershonites dans la tente d'assignation et ce qu'ils ont à garder sous la direction d'Ithamar, fils du sacrificateur Aaron. Donc ici, on vient de voir la portion, la part des fils de Guershon. Et là, nous allons voir la part des fils de Merari. Verset 29. « Tu feras le dénombrement des fils de Merari selon leur famille, selon les maisons de leur père. Tu feras le dénombrement depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, de tous ceux qui sont propres à exercer quelques fonctions dans la tente d'assignation. Voici ce qui est remis à leurs soins et ce qu'ils ont apporté pour toutes leurs fonctions dans la tente d'assignation. Les planches du tabernacle, ses barres, ses colonnes, ses bases, les colonnes du parvis formant l'enceinte, leur base, leurs pieux, leurs cordages, tous les ustensiles qui en dépendent et tout ce qui est destiné à leur service. Vous désignerez par leur nom les objets qui sont remis à leurs soins et qu'ils ont apportés. Telles sont les fonctions des familles des fils de Merari, toutes leurs fonctions dans la tente d'assignation sous la direction d'Ithamar, fils du sacrificateur Aaron. En Pierre 4, verset 10, il est écrit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu que chacun de vous mettre au service des autres le don qu'il a reçu. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Ce verset des Écritures révèle premièrement que chaque croyant, chaque disciple de Jésus a reçu quelque chose. Même si tu crois ou tu penses que tu n'as rien reçu, mais Dieu dit que tu as reçu quelque chose de sa part. Première chose que ce passage révèle. La deuxième chose, ce que Dieu veut, Dieu montre ici sa volonté. Et ce qu'il veut, c'est que chaque croyant mette au service de sa maison, en l'occurrence l'Église, le corps de Christ, ce qu'il a reçu comme don. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce que ce service implique ou qu'est-ce qui le caractérise? Eh bien, ce matin, par la grâce de Dieu, à travers trois caractéristiques, voilà, à bien prononcer, du service des Lévites dans la tente d'assignation ou tabernacle, Dieu interpelle tout croyant à servir dans sa maison avec le don qu'il a reçu. Est-ce que je vais trop vite pour ceux qui écrivent? C'est bon? Ok. C'est bon. La première caractéristique du service des Lévites dans la tente d'assignation, donc je vais bien prononcer à cause de Mans, hein, c'est aussi pour vous, hein, je vous aime beaucoup. Hein. Donc, cette première caractéristique est un service répondant à l'appel de Dieu. « Nombre 21, 4, verset 21. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Compte aussi les fils de Gershon, selon les maisons de leurs pères, selon leurs familles, tu feras le dénombrement. » Ici, lorsque j'ai lu « dénombrement », ça m'a interpellé parce que j'ai aussi un background de statisticien. Et durant ma formation, on nous a appris à faire le dénombrement. Nous avons conçu des questionnaires pour aller interroger les gens, en fait, pour les dénombrer. Et le dénombrement, ce n'est pas juste compter. Le dénombrement, c'est lorsque tu rentres à la maison de quelqu'un, tu lui demandes son nom de famille, son prénom, son épouse, qui est son épouse, le nom et le prénom de son épouse, ses enfants, le nom et le prénom de ses enfants, combien de personnes il y a dans la famille. Quelles sont les personnes qui travaillent? Quel âge, quelle est la tranche d'âge de leurs enfants? En fait, le dénombrement a pour but de connaître les caractéristiques démographiques d'une population. En vue de connaître la population. C'est à ça que sert un dénombrement. Et Dieu dit à Moïse et Aaron de dénombrer. C'est par cela qu'ils vont savoir que telle personne vient de telle famille, vient de telle personne, vient de telle tribu. Voici les fils de Gershon qui sont ici. Voici les fils de Merari qui sont ici. Voici les fils de Kehat qui sont là. Donc Dieu ordonne le dénombrement. Depuis l'âge de 30 ans jusqu'au-dessus, jusqu'à l'âge de 50 ans, de tous ceux qui sont propres à quelques fonctions de la tente d'assignation. Ce dénombrement, ce n'est pas pour que Dieu sache ou identifie les fils de Gershon, car c'est un Dieu omniscient. Il sait tout. Mais c'est pour le bénéfice de Moïse et Aaron, mais également pour nous aussi notre bénéfice. Parce que sans ça, on ne saurait pas qui a des fils de Gershon, leur nombre, les fils de Kehat, leur nombre, la même chose pour Merari et leur nombre. Donc, les fils de Gershon sont dénombrés, on sait combien ils sont, leur nom et leur appartenance. Ensuite, vu qu'on les a identifiés, Dieu maintenant va dire, voici ce qu'ils auront à faire. On sait qui ils sont, voici ce que ces personnes-là vont faire. Et là, le verset 24, voici les fonctions, donc leur service des familles des Gershonites, le service qu'ils auront à faire et ce qu'ils porteront. Là, je saute, je vais à la fin du verset 26, parce que ce qui est entre, je vais revenir là-dessus. Ils feront tout le service qu'ils s'y rapportent. Donc, dans un premier temps, Dieu les identifie, amène Moïse et Aaron à les identifier, et dans un second temps, OK, ceux-là, voici ce qu'ils auront à faire. Ils détaillent le service de chacun. Dieu fait de même pour les fils de Merari, les dénombrements, les comptes. Ensuite, quand il les compte, il dit « Voici ce qu'ils auront à faire. » Verset 31, « Voici ce qui est remis à leurs soins et ce qu'ils ont apporté pour toutes les fonctions de la tente d'assignation. » Donc, ces fils de Merari qui ont été identifiés, que tu as identifié

Parce que c'est lui qui a dit, voici ce qu'ils feront. Voici les tâches, voici les fonctions, voici le service qu'ils feront. Et c'est la même chose pour toi ce matin. Alors, que vas-tu répondre à l'appel de Dieu? Parce que comme les fils de Merari et de Gershon, Dieu t'appelle à le servir. Dieu les appelait à le servir. Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire. Avant que Moïse ne parle, avant que plutôt Dieu ne parle à Moïse et à Aaron, les fils de Gershon ne savaient pas ce qu'ils allaient faire, ni les fils de Merari. Mais Dieu, lui, il savait et il les appelait à le servir. Alors que vas-tu répondre ce matin? Vas-tu répondre oui à l'appel de Dieu pour le servir dans sa maison? Que vas-tu faire? Cet appel à servir Dieu est un appel adressé à tous. Au moins de... Au moins de 30 ans. C'est vrai que dans le passage, le dénombrement se faisait en 30 et 50 ans. Mais avant l'âge de 30 ans, à commencer par 25 ans, ils se préparaient à servir. Donc déjà là, ils faisaient des choses pour le service de Dieu qui les préparait. Tout ce qu'ils faisaient, le service qu'ils rendaient n'était pas insignifiant. Parce que non seulement c'est un service qui les préparait lorsqu'ils allaient avoir 30 ans pour faire leur office dans la tente d'assignation, mais aussi il était au service de Dieu. Donc aucun service pour Dieu n'est insignifiant. Ça peut être un simple geste ou une simple action. En préparant ce message, je me suis rappelé de Rémi qui, à un moment donné, chaque matin, il prenait un verre, il remplissait, il venait, il déposait ici. Ça, c'est un service dans la maison de Dieu. Peut-être que vous direz que ce n'est pas aussi prestigieux que de se mettre en avant, mais ça compte aussi aux yeux de Dieu. C'est aussi important aux yeux de Dieu. Et je me suis rappelé aussi de Charles, quand je préparais le message. Est-ce que ces dernières semaines, vous n'avez pas, ou ces derniers mois, il y a quelque chose que vous n'avez pas remarqué par rapport à Charles? À la fin du culte, ou vers la fin du culte, il fait passer les sacs pour l'offrande. C'est aussi un service dans la maison de Dieu. Un geste anodin, une action anodine, mais c'est aussi un service dans la maison de Dieu. Alors tous ceux qui ont un âge supérieur à Charles et qui ne font pas de service dans la maison de Dieu n'ont aucune excuse. Aucune. Pas besoin de choses extraordinaires. Seulement ce que Dieu met dans votre cœur. Et ce que vous faites dans la maison de Dieu vous prépare. Dieu aussi vous prépare aux choses qu'il a préparées pour vous d'avance. Vous Va avec la force que tu as. Aujourd'hui, quelle est la force que tu as? Dieu dit, va avec la force que tu as. Et si vous demandez, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas d'idée. Eh bien, Samuel, il a beaucoup de choses à vous donner. Vous n'avez qu'à aller le voir. Vous n'allez pas, si on peut le dire, chômer dans la maison de Dieu. Philippe aussi a beaucoup de choses à pour vous. Hein, surtout aux deux semaines, on fait le gazon. Le talus, là, c'est une belle pente hein, qui demande de la vigueur et beaucoup de force. Hein? Et les moins de 30 ans peuvent le faire. Ça aussi, c'est servir dans la maison de Dieu. Oui. Oui. Il y a un verset qu'on va lire plus tard qui m'a beaucoup marqué. Est-ce que vous savez que la miséricorde est un don? Donc, être miséricordieux envers les frères et sœurs, c'est aussi faire les choses dans la maison de Dieu. De 30 à 50 ans, comme j'ai dit, si vous voulez être interpellé, s'il y a quelque chose qui vous interpelle dans la maison de Dieu, il est fort probable que c'est à vous que c'est adressé. Je me rappelle, il y a quelques années, lorsque le drum était à gauche ici, à ma gauche, j'ai remarqué qu'il n'y avait personne pour le faire. Et sur plusieurs semaines, cela m'interpellait. Et un bon matin, je me suis levé et dit, bon, ok, je vais le faire. Et je l'ai fait. Qu'est-ce qui vous interpelle dans la maison de Dieu? Ça peut être simple, comme je l'ai dit. Et comme je l'ai dit encore, si vous manquez d'idées, les anciens sont là, Philippe est là, Samuel est là. Ils auront le plaisir de vous donner, d'avoir quelque chose pour vous. Et encore une fois, avec la force que Dieu donne, les capacités que Dieu donne, les moyens que Dieu donne, ce que vous avez aujourd'hui. Pour les plus de 50 ans, parce que c'est bizarre, c'est de 30 à 50 ans. J'ai parlé de moins de 30 ans, j'ai parlé de 30 à 50 ans, mais pour les plus de 50 ans. Lorsque vous lisez Nombre 8, 23, Dieu dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Voici ce qui concerne les Lévites. Depuis l'âge de 25 ans et au-dessus, tout Lévi entrera au service de la tente d'assignation pour y exercer une fonction. » Verset 25, « Depuis l'âge de 50 ans, il sortira plutôt de fonction et ne servira plus. » Donc, 50 ans, il ne sert plus. Mais, comment? Je n'irai pas. Verset 26, « Mais Dieu ne s'arrête pas là. » Est-ce que ça dit que, bon, hein, ces affaires-là, c'est pour les plus jeunes ou c'est pour les 50 ans. Mais Dieu dit, il aidera ses frères dans la tente d'assignation. Il n'est plus en service, mais il peut aider ceux qui exercent. Pourquoi il peut les aider? L'expérience. Il a acquis une expérience qui peut servir aux autres. C'est vrai que c'est un concept qui est mal vu, ou mal compris des gens. À un certain âge, on ne t'écoute plus. Comme Christian l'a dit, on te jette à la poubelle. Mais ceci ne doit pas être le cas dans la maison de Dieu. Et Dieu nous dit ici que même les plus de 50 ans ont des choses à apporter dans la maison de Dieu. Et c'est d'aider. Aider en quoi? Selon ce que Dieu vous mettra à cœur. Parce qu'il y a plusieurs façons d'aider. Vous savez, chez nous en Afrique, il y a quelque chose qui... Un proverbe très, très connu, c'est... Lorsqu'une personne âgée meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Lorsqu'une personne âgée meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Toute cette masse de connaissances, d'expériences, la maison de Dieu en a besoin. Hein? Moi, j'en ai besoin. Plein de personnes ici en ont besoin. Alors ne partez pas avec ce que Dieu vous a donné, l'expérience de vie que Dieu vous a donnée. Alors, donc on a vu la première caractéristique du service des Lévites dans la tente d'assignation, qui est un service répondant à l'appel de Dieu. Qu'est-ce que tu fais de cet appel que Dieu te donne, que Dieu t'adresse? La deuxième caractéristique du service des Lévites dans la tente d'assignation est un service plutôt comprenant une diversité de fonctions. Lorsqu'on prend la part des fils de Gershon, verset 24, voici les fonctions des familles des Gershonites, le service qu'ils porteront, qu'ils devront plutôt faire, et ce qu'ils devront porter. Ils porteront les tapis du tabernacle, de la tente d'assignation, sa couverture, et la couverture de peau de dauphin qui se met par-dessus. Le rideau qui est à l'entrée de la tente d'assignation, l'étoile du parvis et le rideau à l'entrée de la porte du parvis, tout autour du tabernacle et de l'autel, leur cordage et tous les ustensiles qui en dépendent. Donc voici ce que Dieu dit. Les éléments qui seront à votre charge, votre service, c'est cela. En résumé, on s'occupait de la partie textile du tabernacle. On parle de rideau, on parle de couverture. Donc, c'est ces éléments-là qui étaient à leur charge, ils devaient s'en occuper, à l'exception de du voile, du lieu très saint. Parce qu'on a dit que les choses très saintes étaient réservées aux fils de Kehath. Ensuite, la part des fils de Merari. La Bible déclare, voici ce qui est remis à leurs soins et ce qui est porté, ce qu'ils ont apporté pour toutes leurs fonctions dans la tente d'assignation. Les planches du tabernacle, ses barres, ses colonnes, ses bases. Les colonnes du parvis formant l'enceinte, leurs bases, leurs pieux, leurs cordages, tous les ustensiles qui en dépendent et tout ce qui est destiné à leur service. Les fils de Merari, Dieu dit, voici vous ce dont vous allez vous occuper. Et lorsque vous lisez, c'est tous les éléments qui constituent l'ossature ou le squelette du tabernacle. Donc, si vous prenez les fils de Gershon, eux s'occupent de la partie textile et les fils de Merari, de l'ossature, le squelette. Les deux n'ont pas les mêmes fonctions. Dieu les appelle, lorsque vous lisez plus haut, Dieu les appelle à le servir dans la tente d'assignation. Mais leur façon de faire le service n'est pas la même. Pour les uns, c'est la partie textile, et pour les autres, la partie structurelle. Ce qui veut dire qu'un Gershonite ne peut pas le faire travailler la structure, parce que ce n'est pas à cela que Dieu l'a appelé. Un fils de Merari ne peut pas se lever et commencer à dresser les rideaux, ou les toiles, ou les couvertures, parce que ce n'est pas ce à quoi Dieu l'a appelé. Et lorsque Dieu t'appelle pour quelque chose, il met en toi ce qu'il faut pour te rendre capable de le faire. Donc on voit ici une segmentation du service dans la tente d'assignation des fils de Lévi. Les fils de Merari, l'ossature, la structure, les fils de Gershon, tout ce qui est rideau, couverture, tapis, les fils de Kehat, ce qui concerne le lieu saint, le chandelier, l'arche, et tout ça mis ensemble, le tabernacle. Lorsque chacun fait sa part, selon ce que Dieu a demandé à chacun, eh bien au final, on voit le tabernacle complet. Lorsque chacun fait sa part. Imaginez que les fils de Merari ne faisaient pas leur part. Sur quoi ils allaient mettre les rideaux, les couvertures? Ou bien, où est-ce qu'ils allaient mettre les éléments sacrés? Si les fils de Gershon ne faisaient pas leur part, l'ossature est là, mais c'est vide. Tout le monde allait voir les éléments sacrés et tout le peuple allait mourir. Parce que ce n'est pas tout le monde qui devait voir les éléments sacrés. Si les fils de Kehat ne faisaient pas leur part, eh bien, il n'y allait rien à voir dans le lieu très saint. Et comment le sacrifice qui se fait une fois par année allait se faire? Il fallait que chacun fasse sa part pour avoir ce résultat-là, pour édifier la maison de Dieu. Hein? Aujourd'hui, c'est la même chose. Dieu raisonne de la. En fait, Dieu ne change pas. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Aujourd'hui encore, dans l'Église, il y a une diversité. Dans l'Église corps de Christ, il y a une diversité de dons. Diversité de fonctions. Mais un seul corps. 1 Corinthiens 12, 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Les dons de chacun servent à édifier, à bâtir l'Église. Ça veut dire que tu as reçu quelque chose de la part de Dieu et tu ne fais pas, tu ne joues pas, tu ne manifestes pas le don que Dieu a mis en toi, ce qui veut dire que tu prives l'Église, le corps de Christ, de quelque chose de précieux. Comme je l'ai dit tantôt, imaginez que les fils de Kehat ne faisaient pas ce que Dieu leur demandait, ou les fils de Merari. On n'allait pas avoir le résultat que vous avez vu, le tabernacle tout entier monté. pour l'utilité commune. Alors, quelle est ta part dans le corps de Christ pour l'utilité commune? Qu'est-ce que je fais dans le corps de Christ? Toute manifestation du don que Dieu te donne ou t'a donné, c'est t'a donné, contribue à l'utilité commune. Ne sais pas être comme moi. Parce que chacun a son don, chacun a sa part. Moi aussi, je ne chercherai pas à être comme toi. De fois, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser. Pourquoi l'autre fait ceci? Pourquoi lui et pourquoi pas moi? Vous imaginez les fils de Merari? Ce qui concerne l'ossature, ils le faisaient pendant des années et des années. Et la raison pour pourquoi est-ce que c'est moi qui fais ceci, eh bien c'est parce que Dieu t'a appelé à le faire. Parce que c'est toi qui dois le faire. Est-ce que l'oreille peut se dire « je suis fatigué d'écouter » ou l'œil « je suis fatigué de voir » ou la bouche « je suis fatigué de parler » ou les mains « je suis fatigué de me mouvoir » ou les pieds « je suis fatigué de bouger » non. Ou la langue non. Ou le nez. Bon, aujourd'hui, ça ne m'étonne pas, je suis fatigué de respirer. Imaginez. Si tu le fais tout le temps, c'est parce que aussi Dieu t'a appelé à le faire. Ce n'est pas par la volonté d'un homme, mais par celle de Dieu, celui qui t'a créé. Comme je l'ai lu dans Psaume, c'est lui qui t'a créé et il sait. Il connaît les matières qu'il a utilisées pour te faire. Et chacun, dans sa tâche, travaille à édifier la maison de Dieu. Imaginez si un dimanche, Roger n'est pas là. On ferait la louange. Mais hein, l'église manque de quelque chose. Ou Anna n'est pas là. L'église, on ferait la louange. Mais l'Église manque quelque chose, le don que Dieu lui a donné. Et quand Roger est là, ou Anna, quand il dirige la louange, est-ce que vous n'êtes pas édifié? Question. Est-ce que vous n'êtes pas édifié? Oui? Oui, Sarah Ève. Oui, exactement. Donc là, c'est la deuxième caractéristique du service des Lévites, dans la tente d'assignation, un service comprenant une diversité de fonctions, de dons. La troisième et la dernière, j'ai fini. Caractéristique du service des Lévites dans la tente d'assignation, un service demandant le don de soi. Verset 24, voici les fonctions des fils des familles des Gershonites, le service qu'ils devront faire et ce qu'ils devront porter. Premier mot-clé, ce qu'ils devront porter. Deuxième, verset 27. Dans leur fonction, les fils des Guershonites seront sous les ordres d'Aaron et de ses fils pour tout ce qu'ils porteront et pour tout le service qu'ils devront faire. Cela mentionne quelque chose. Leur fonction, ce n'est pas seulement de, était pas seulement de porter, mais aussi de faire le service qui s'y rattache. Ça veut dire... Et qu'ils portaient les couvertures et qu'ils les dressaient également, qu'ils les montaient, qu'ils les démontaient. Telles sont les fonctions des familles des fils des Guershonites dans la tente d'assignation, ce qu'ils ont à, troisième mot-clé, garder. Garder, j'essaie d'aller en profondeur, et c'est l'idée de prendre soin, de veiller à. Donc, ils ne devaient pas non seulement porter, mais aussi faire le service qui s'y rattache, mais encore prendre soin des choses qui leur étaient confiées. Mis à leurs soins et ce qu'ils ont apporté. Le 32, vous désignerez par leur nom les objets qui sont remis à leurs soins et qu'ils ont à porter. Idem pour les fils de Merari, pas seulement porter, faire le service qui s'y rattache, mais aussi prendre soin. Alors aujourd'hui, Romains 12, 3 à 8. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revertir les sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, avec foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, et que celui qui préside le fasse avec zèle, et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Là, on voit dans tous les dons, dans toutes les manifestations de ces dons, c'est de le faire avec zèle, avec engagement, avec investissement. Ouais. As-tu du zèle dans le service dans la maison de Dieu? Lorsque tu sais Dieu, est-ce qu'il y a ce zèle, l'engagement, l'investissement? Porter, supporter, endurer le poids du service. C'est vrai que Jésus dit que mon joug est léger, mais c'est quand même quelque chose à porter. Ce n'est pas toujours facile, des contraintes à gérer, c'est demandant. Par exemple, avant-hier, j'ai passé pratiquement toute la journée à préparer ce message. J'ai terminé à 1h du matin, je pense, à préparer ce message avant-hier. Mais j'aurais pu me dire, bon, je vais faire 2 ou 3 bricoles là, et puis je vais venir parler. Servir Dieu demande de l'engagement, de l'investissement. Ou bien Roger, le matin, peut dire, bon, je vais venir à... C'est vrai que l'enseignement commence à 10h. Bon, je vais venir à 10h moins 5. Et puis, on se laissera conduire par le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit agit, mais Dieu aussi est un Dieu d'ordre. Ou bien si j'ai un service à 10h, hein, je n'arrive pas ici à 10h, je viens avant pour me préparer. C'est ça le zèle, le don de soi que Dieu demande dans le service. Est-ce que tu sers dans la maison de Dieu? Si oui, lequel? Et cela est fonction de ce que Dieu met dans ton cœur. Garder, c'est prendre soin de ce qui a été confié. C'est préserver, c'est veiller. C'est de le faire avec attention, avec minutie. Est-ce que je fais ce que Dieu me demande comme cela, parce qu'il faut le faire? Ou est-ce que j'y mets mon cœur? Est-ce que j'en prends soin? C'est ce que Dieu demande. Donc, c'est la troisième caractéristique du service de Lévi dans le temps d'assignation, un service qui demande... En conclusion, on a vu trois caractéristiques du service de Lévi dans le temps d'assignation, à travers lesquelles Dieu interpelle tout croyant à servir dans la maison de Dieu avec le don qu'il a reçu. La première, c'est un service qui répond à l'appel de Dieu. La deuxième, un service comprenant une diversité de fonctions, de dons. Troisième, un service demandant le don de soi, l'engagement, l'investissement. Ésaïe. Lorsque Ésaïe a été dans la sainte présence de Dieu, il a dit, là je paraphrase, que moi qui suis parmi un peuple impur, qu'est-ce que je fais là? Il y a un ange qui a envoyé, il a touché ses lèvres, il a dit tu es pur. N'est-ce pas que Dieu nous a purifiés? N'est-ce pas qu'il nous a rachetés par le Fils de son sang? Et Ésaïe a entendu cette voix. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? » Ésaïe a répondu, « Me voici. Envoie-moi. Me voici, sers-toi de moi. » Alors, quelle est ta réponse? Pour celui-là même, pour toi qui n'a pas encore... Ouvre ton cœur à Jésus. Qu'est-ce que tu réponds à l'appel de Dieu? Me voici. Pour toi qui es déjà dans la maison, qu'est-ce que tu réponds à l'appel de Dieu? Me voici. Montre-moi ce que j'ai à faire, car je veux le faire dans ta maison. Et pour celui qui le fait déjà, qu'est-ce que tu réponds? Malgré des fois les découragements, qu'est-ce que tu réponds? Me voici. Et c'est ce que Dieu attend de chaque croyant. Amen.